Comment veux-tu que je ne pense pas? Quand je me dis de ne pas penser, je pense. Mais moi, j'ai jamais dit que je voulais que tu ne penses pas. J'ai dit que penser était stupide. Mais l'humain peut penser tant qu'il veut. Lorsque je vis du neuf et que l'émotion que j'observe prend le dessus et se mélange avec l'énergie, ce mélange rend mon corps malade et je dois jeûner pour digérer ce phénomène. Quoi faire? Comment vivre sans émotion? Car je veux être fonctionnel et rester vivant. Bon, comment vivre sans émotion? Il est évident que l'émotion, c'est ce qui permet à l'ego, à l'astral, au monde de la mort, de s'exprimer à l'intérieur de votre corps et d'expérimenter. Il se nourrit à même votre sécrétion émotive. Chaque émotion est exprimée par les voies endocriniennes, sécrétion hormonale. Les émotions, ça tue l'humain. Ça le détruit totalement. Il n'y a aucune bonne émotion. L'amour que l'humain vie est une émotion. Elle le tue, elle engendre les guerres, les jalousies, les inquiétudes, les souffrances. L'être humain, à un moment donné, va vivre avec des sentiments et non plus avec des émotions. Et je répète que l'émotion est exactement comme lorsque l'on mange une pomme. Quand on mange la pomme, c'est comme le sentiment. On la digère, le sentiment nous nourrit. L'émotion, c'est lorsqu'une fois qu'on a mâché la pomme, on refuse de la laisser sortir de l'estomac. Quand, deux, trois jours après, on a le goût d'une pomme, et on régurgite notre pomme dans notre bouche, on la remange. C'est de l'émotion. Ça ne nourrit pas, ça détruit, ça pourrit, ça prend de l'énergie, ça vous niaise, et ça vous empêche de manger une nouvelle pomme. Pensant que vous en avez une. Toutes les formes d'émotion que l'humain vit sont des mécaniques d'involution. Lorsque l'humain a été terrestrifié, lorsque l'énergie a progressivement créé l'humain, à travers sa descente, à travers son effusion, ce qui lui est resté, c'est la mémoire de la réalité. Dans la mémoire de la réalité, il y a la mémoire du sentiment. C'est l'émotion. Plus l'être humain vieillit, plus l'être humain cumule d'expérience, plus l'être humain refuse le neuf. Quand on est jeune, changer d'emploi, c'est pas grave. Quand on est plus âgé, très grave. Certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'à mon âge, je peux pas trouver d'emploi. Les jeunes ont le même problème. On veut qu'ils aient de l'expérience, mais ils en ont pas. Fait que quand ils ont un emploi, autant qu'ils le gardent. Les difficultés sont les mêmes. Les raisons sont différentes. Un jeune déménage souvent, une personne âgée ne veut plus déménager. Un jeune veut voyager, souvent une personne âgée ne voyage pas. Ah, tu connais ta grand-mère qui voyage tous les années à la même place en Floride. Mais elle ne change pas de pays tous les années. Elle ne change pas d'hôtel à chaque fois, sauf à la force des choses. Comment vivre sans émotion? Mourez. Ne soyez plus un animal humain. Relié à l'initiation lunaire, souffrance, joie, et devenez un être humain. Comment vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça. L'animal humain ne peut pas décider de ne plus être un animal humain. Le facteur émotif dans la question ici, parce qu'il y a un facteur émotif, alors émotivement, on devient écœuré d'être émotif. Alors, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Celui qui cherche la liberté est esclave de la recherche de la liberté, donc il ne sera jamais libre. L'être humain doit appliquer certaines choses. L'être humain doit fonctionner avec ce qu'il a comme intelligence. L'être humain doit fonctionner avec ce qu'il est, lui, de l'intelligence. Et l'être humain ne doit plus se laisser manipuler par l'idée très subjectif, très émotif, de ce qu'il est au nom du fait que c'est ce que les autres pensent qu'il est, et au nom du fait que c'est ce que les autres pensent que l'humain a toujours été. Lorsque l'on prend des atomes et que l'on crée des fissions, on libère de l'énergie. Lorsque l'on crée des fusions, on en libère encore plus. Prendre de l'hydrogène, le fusionner en hélium, dégage beaucoup plus d'énergie que de prendre un atome et le fissurer. Mais regardez ceci. L'énergie, pour l'humain, ça ne dit pas grand-chose. On pense au pétrole, on pense à l'électricité, on pense peut-être à l'énergie qu'on peut dégager lorsque l'on frappe quelque chose. Lorsque l'énergie devient de la matière, elle est perdue, elle est consumée, elle devient assujettie à l'entropie. L'entropie, c'est la loi qui oblige les choses à se diriger vers le repos. Je prends de l'énergie qui n'est pas assujettie à la loi E égale MC2, qui ne se déplace pas à 299 792,5 km à la seconde, qui est la vitesse de la lumière, et je crée des quarks. Je crée des particules subatomiques avec cette énergie. Faisant cela, je dégage suffisamment d'énergie reliée à l'énergie que l'on connaît, une énergie qui prend de l'expansion, une énergie qui voyage à la vitesse de la lumière, et j'engendre ce que vous appelez le Big Bang. J'engendre la création. Dans la création va apparaître d'autres créations, d'autres Big Bang, ce qui va engendrer des super univers, dans lesquels vont apparaître d'autres Big Bang, ce qui va engendrer des univers, dans lesquels vont apparaître de légers Big Bang, ce qui va engendrer des systèmes locaux de galaxies. Lorsque ces quarks s'unissent, ils se fusionnent, et il y a un immense dégagement d'énergie. Cela engendre des électrons, cela engendre des protons, cela engendre des neutrons. Lorsque l'électron est soumis à l'attraction d'un proton, on a de l'hydrogène, le gaz que l'on retrouve le plus dans votre univers. Lorsqu'à un moment donné, je prends l'hydrogène et je le fusionne à un autre atome d'hydrogène pour créer de l'hélium, je dégage encore énormément d'énergie. Chaque fois qu'il y a dégagement d'énergie, c'est votre intelligence que vous perdez. Lorsque, après Nagasaki et Hiroshima, lorsque les Américains ont invité différentes nations et qu'ils ont fait sauter pour la première bombe thermonucléaire, la bombe hydrogène, Hiroshima, c'est une bombe atomique qui fonctionnait par fission de l'atome, on brisait l'atome. Par la suite, la bombe thermonucléaire, on fusionne les atomes. On fait comme dans les soleils. On prend de l'hélium et on en fait de l'hydrogène et on en fait de l'hélium. Et l'énergie dégagée est 10 000 fois plus grande qu'une bombe atomique conventionnelle. On ne parle pas de 10 000 ou de 100 000 tonnes, on parle de 100 mégatonnes. On parle de centaines de milliers de tonnes de TNT, la trinitotoluène, l'explosif qu'on servait à l'époque. Mais chaque fois que l'on crée de la matière, il y a de l'énergie qui se dégage. De l'hydrogène à l'hélium, bombe thermonucléaire. Cette énergie qui est dégagée de la matière, c'est votre intelligence qui part en fumée. De l'hélium, on fusionne. Et on engendrera l'oxygène, le carbone, l'azote, l'hydrogène reste. On engendrera progressivement ce qui va constituer votre corps. Dans ce qui constitue la structure atomique de la planète, et nécessairement de vos corps physiques, la majorité de l'énergie contenue dans les quarks, dans les particules subatomiques, ou dans la supraénergie, ce qui est une énergie non régie par l'espace-temps, non courbée dans le 300 000 km à la seconde, ce qui constitue vos corps physiques, ce qui vous constitue biologiquement, atomiquement, a été purgé de la majorité de l'énergie qu'il contenait au début. J'appelle cela une effusion. Le processus inverse est appelé fusion. Alors qu'atomiquement, ce qui est arrivé à l'humain, ce qui vous est arrivé, a été une fusion atomique. Et le processus inverse, la fission, dégage un peu d'énergie, mais lorsque l'être humain vivra un processus inverse à l'effusion planétaire, lorsqu'il aura une fusion avec des corps d'énergie, le premier corps qui l'énergifiera, qui restructurera son atomicité, qui redonnera à l'atome l'énergie qu'il a perdue lors de la fusion pour engendrer la matière qui vous anime, qui vous forme, c'est une fusion, c'est-à-dire un amalgame total, une communion absolue entre un double éthérique, un double moronciel, un double créé par l'anégoïsation de votre âme, la destruction progressive de l'ego, pour créer un double qui contiendra votre conscience lucide si votre corps atomique meurt, donc qui rendra immortelle la conscience lucide. Lorsque cette énergie se fusionnera à votre corps de chair, à votre corps atomique, elle augmentera, cette fusion augmentera le potentiel énergétique des atomes qui vous constituent. De ce fait, votre atomicité va changer et vous allez ressembler à un corps de lumière, c'est-à-dire que la lumière qui normalement se serait dégagée, et ce qui est arrivé, lors de la fusion des atomes pour former les molécules constituant votre corps physique, lorsque cette lumière aura réintégré votre corps, vous serez un être nouveau. Vous serez un surhomme, une surfemme. Vous serez un être qui ne sera pas régi uniquement par les lois de l'atomicité. Vous serez un être régi par des lois qui dépassent les courbures spatio-temporelles qu'Einstein a établies. L'émotivité de l'homme et de la mémoire. La mémoire, c'est encore un processus d'involution. La mémoire, c'est la tentative dans la matière, dans la structure atomique, de conserver de l'énergie, de conserver de l'énergie événementielle, de conserver de l'événement, de se rappeler, de maintenir le passé dans le présent. Mais pour maintenir le passé dans le présent, nous devons prendre de l'énergie ailleurs. Cette énergie, nous la prenons dans la mémoire génétique des molécules d'acide désoxyribonucléique de l'ADN. Ce qui progressivement atténue l'énergie vitale de l'acide de l'ADN et progressivement les divisions cellulaires se perdent en mémoire. Votre mémoire psychologique se nourrit aux dépens de la mémoire biologique. Lentement, les cellules, ne se rappelant plus comment elles doivent se reproduire, reproduisent des cellules filles plus bizarres. On appelle cela vieillir. Je répète que si l'on prend une cellule sur votre corps et qu'on la met dans un bain de culture, elle se divisera éternellement. L'ovule et le spermatozoïde qui vous ont constitué proviennent de votre père et de votre mère. Constitué par une cellule provenant de vos grands-parents. Constitué par une cellule provenant de vos ancêtres. Les corps physiques n'ont jamais cessé de vivre. À 75 ans, vous pouvez donner naissance à un enfant flambant neuf. Qui lui donnera naissance à un enfant, mais merde, c'est vos cellules qui continuent à se procréer. Pour contenir de la mémoire, et la mémoire est surtout contenue dans l'émotivité, dans l'astral, dans l'âme de l'individu, dans la psychologie, dans l'émotivité psychologique de l'individu, pour que cette mémoire puisse être soutenue, elle se fait avec de l'énergie. L'astral n'est pas capable de puiser dans de l'énergie plus vibrante, plus haute. Alors il le prend dans le corps vital, dans la constitution énergétique, subatomique de votre corps physique. Et progressivement, vous vieillissez. L'humain peut vivre avec une absence totale d'émotion, peut vivre anémotivement, à la condition qu'il progresse. pour aller chercher de l'énergie, énergie qui a été perdue lors de l'effusion. Lorsqu'un soleil explose, les particules de fer sont libérées. Les particules d'hélium, d'atomes, d'hydrogène, de certains autres corps. La majorité de votre corps physique n'est pas constituée à même les atomes créés dans un soleil. Seule l'explosion d'une supernova peut engendrer ces particules, ces atomes. Et c'est pour cela que 15 milliards d'années après la première explosion, nous sommes là, dans des corps physiques, capables de récupérer de l'énergie. Il a fallu près de 15 milliards d'années pour fabriquer les atomes pouvant supporter de l'intelligence. Chaque particule de notre planète provient d'une supernova. Chaque atome de votre corps provient de l'explosion d'une supernova. Et une supernova, quand ça explose, ça illumine une galaxie. Si vous imaginez que présentement nous sommes ici la Terre, et que nous sommes le Soleil plutôt, la Terre se trouve à peu près à Rimouski. C'est plus loin, pour donner une idée de grandeur. Si nous avons affaire à une étoile qui est une nova, l'étoile finit au-delà de l'Europe. Or, le Soleil est totalement dedans. Si nous serions une supernova, les paramètres de la supernova finissent plusieurs milliers d'années-lumière à l'extérieur. C'est astronomique, c'est le mot. L'être humain doit récupérer de l'énergie. J'appelle cela de l'énergification. L'énergisation est la copie spirituelle, astrale, psychologique, émotive de l'énergification. L'énergisation est une stimulation temporelle, temporaire, limitée. Une personne qui se fait motiver se fait énergiser. Mais ça s'en va, ça meurt. Ça ne reste pas. La seule façon pour l'humain, terrien, de maintenir de l'énergie dans son ego, dans son âme, dans sa psychologie, dans son astral, c'est avec de la mémoire, avec de la forme. L'énergisation ne laisse pas de forme. Je vous motive, mais ça ne laisse pas de forme dans votre ego. Alors vous perdrez cette énergie. Jusqu'au jour où vous la rayonnerez. L'être humain doit s'énergifier, d'accumuler de l'énergie, cesser de gaspiller de l'énergie. Et là, il progressera vers la fusion avec son globe éthérique. Le globe éthérique se constitue uniquement si l'humain devient un peu moins orgueilleux, si l'humain s'en égoïse, si l'humain cesse de se prendre au sérieux. Et quand l'humain cesse de se prendre au sérieux, l'humain ne s'identifie plus mentalement dans l'émotion biologique. L'émotion est uniquement une question de biologie. Vous prenez un gaz hilarant, votre corps va commencer à se dépolariser pour faire rire le corps physique, et votre ego va commencer à rire. Identification dans le processus biologique. Vous vous identifiez par en bas, et non par en haut. Cessez de s'identifier à son émotivité. Cessez de s'identifier au dialogue intérieur. Cessez de s'identifier à la pensée. Cessez de s'identifier à la colère, à la peur, à la haine, à la jouissance, à l'orgueil, à la gêne, à la honte. Ce n'est pas ça, l'homme. Présentement, 99,9997% de ce que vous êtes dans l'intelligence a été libéré dans la fusion des atomes permettant la constitution d'un système planétaire, nécessairement de votre corps physique. Génétique en génétique, les corps physiques sont mieux, capables de conceptualiser des choses plus solides, capables d'absorber des problèmes plus grandioses. Les corps sont plus solides, nécessairement, votre intelligence est plus grande. Et votre ego aussi, donc l'émotivité aussi, cette criarde, criard, chialeuse, chialeur, irritable, tripant. Vous voyez un éléphant, puis vous capotez. Vous voyez un paquet d'atomes réunis sous forme d'éléphant, puis ça capote des égaux. Il y en a qui trouvent une cigarette plus longue à terre, puis c'est capotant. La vie n'a plus de saveur. L'ego ne fait que voyager. Voyage dans l'astral, en anglais trip. Voyage, l'ego trip, il voyage. On voit un film, puis certains égos trouvent ça au bout. Totalement cool, capotant, c'est rentre-coup. Mettez-en des mots. Ils voient des photons sur une pellicule ou ils voient simplement un écran cathodique leur lancer des électrons de visage. Ils sont totalement sur le cul. Tant que vous allez rester assujetti à triper sur des conneries, comment voulez-vous vous réveiller à quelque chose qui est réel? Qui est d'une grandiosité telle que tous les moyens de transport qui existent aujourd'hui sont totalement archaïques. C'est bon pour les hommes de taverne. C'est pas bon pour nous autres. L'émotivité est un facteur problématique, c'est évident. Mais quand l'humain émotivement se cœur de l'émotivité, mais non. Vous voulez cesser d'être malheureux, vous devrez cesser d'être heureux. Vous voulez ne pas mourir, vous devrez abandonner l'idée de la vie. Vous voulez être totalement désassujetti de la jalousie, vous devrez abandonner l'amour émotif, l'amour possessif, l'amour conditionnel. Je t'aime à la condition que, mais quand t'es comme ça, je t'aime plus. Vous devez abandonner la polarité, la dualité, le bien et le mal, pour accepter la réalité. Quand vous avez rencontré vos premiers amours, votre chum, votre blonde, la majorité, vous ne les connaissez même plus. Mais ça a été le drame longtemps dans votre petite vie psychologique. Ça a été absolument terrible. Toute la vie de l'humain est basée sur ça, sur le terrible. L'inverse du terrible, je vous donne 20 claques dans le visage aux minutes. Quand je diminue à 2 claques au visage, c'est le bonheur. Moi, j'en prends des claques. Mais moi, on dit que je suis bon pour vous autres, j'en donne moins. Papa, il chicane moins. Ah, il change, il est bon. Je répète encore dans la dualité du problème. Un enfant est toujours en train de tout casser chez vous. La journée qu'il casse pas, vous le récompensez. Son frère ou sa soeur ne casse jamais rien. Vous le voyez pas. La journée qu'il casse, vous le punissez. L'humain vit de cette façon. Alors, parce que vous vous détruisez tout le long de votre vie, la journée où vous faites un petit effort, vous attendez ce qu'on vous récompense. L'émotivité est un problème. L'éliminer, l'émotivité ne peut l'éliminer. Vous devez avoir un contact avec une mécanique extraterrestre. Vous devez avoir un contact avec de l'intelligence qui ne provient pas de l'expérience planétaire. Vous devez avoir un contact avec de l'esprit. Vous devez avoir un contact avec votre réalité, avec l'homme absolu, pas avec l'homme planétaire, pas avec l'homme qui se dit « moi, je suis là parce que je suis venu au monde ». À travers 15 milliards d'années d'illusions de création, votre naissance, on s'en fout. Vous devez vous retourner vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Pas vers le passé, pas vers la mémoire, même pas vers la mémoire de mes conférences. C'est ridicule. La conférence, c'est un événement qui passe comme un photon, comme un neutrino. Ça vous traverse sans laisser de trace. Mais c'est là. C'est de l'événement. Ça bouge les choses autour de vous. Même si ça n'en bouge pas chez vous. L'être humain doit aller chercher de l'énergie. Lorsque l'ego aura totalement siphonné votre structure génétique, vous mourrez biologiquement. Alors si vous êtes mentalement conscient, si vous avez appris à connaître les structures de l'astral, lorsque vous allez vous ramasser dans le plan moronciel, Là, au lieu de la vie sans le corps physique, vous ne serez pas attiré par les lumières mémorielles du monde de la mort. Vous ne mourrez pas. Si vous avez un homme éthérique suffisamment constitué, vous allez le réintégrer. C'est un corps séraphique. Et on s'en fout. Une chose certaine, c'est que lorsque l'humain pénètre avec de l'émotivité dans le facteur de la mort, il gagne le monde de la mort, il se dissout, il se digère, il se réincarne, il ne se rappelle pas ce qu'il a été. Comprenez bien ceci. Prendre un atome d'hydrogène et le fusionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend les noyaux des deux atomes, puis on les dirige tellement rapidement les uns sur les autres que la répulsion des deux protons, qui normalement les éloigne, n'est pas capable d'agir à cause de la vitesse de déplacement. Alors, ils arrivent tellement proches qu'une force extraordinairement plus forte que tout ce que vous pouvez connaître les colle ensemble. La répulsion électromagnétique ne les repousse plus. Mais quand cela se fait, votre intelligence est éjectée. Alors, on a suffisamment d'énergie pour détruire une planète. Et quand on prend l'hélium et qu'on prend l'hélium et qu'on refait la même chose, lentement on crée ce qui va fabriquer votre corps physique. Le micron est le sol sur lequel on marche. À chaque fois, il y a une quantité phénoménale d'énergie qui est rejetée. Et ce qui est rejeté, c'est vous. C'est l'esprit de l'homme. L'émotivité est un facteur qui jouit de la probabilité, de la possibilité spirituelle d'évoluer, de l'évolution. On a fait de la sexualité du tantrisme, une méthode pour évoluer. On ne fait évoluer que l'ego, c'est-à-dire qu'on donne de l'expérience à l'ego. Plus l'ego a de l'expérience, plus il pense avoir de l'énergie. C'est vrai. Et il détruit le corps. Quand il n'y a plus de corps, il perd son énergie. Ça devient ridicule. Anégoïsez-vous, c'est-à-dire que vous avez de l'émotion, vous n'avez pas d'émotion. Votre corps physique exprime de l'émotion, soit. Votre ego est émotif, c'est évident. Ça ne doit pas perturber votre mental. Ça ne doit pas vous perturber. Restez vous, même si le corps est pourri. Quand le taux commence à boiter parce qu'il y a un pneu qui est dégonflé, est-ce que ça doit vous dégonfler pour rencontrer un patron? Mais c'est ce qui arrive dans le cas de votre corps physique. Comment savoir si deux personnes vivant en ce moment sur la Terre se sont déjà connues assez bien dans une vie antérieure? On s'en fout. Est-ce qu'on peut le savoir? Ah, absolument. C'est évident qu'on peut le savoir. Comment tu fais? Mais on s'en fout. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. C'est un trip astral. C'est une perte de temps. Moi, je sais que je t'ai connu dans plusieurs vies. Je sais qu'on a travaillé ensemble. Je sais qu'on s'est même déjà battu. Est-ce que j'ai gagné ou c'est gagné? C'est mieux pas répondre. Bon. Donc j'ai gagné. C'est pas ça que j'ai dit. Ah. Mais pourquoi le rechercher, on ne le recherche pas? Quand c'est utile que vous le sachiez, vous allez le savoir. L'évolution, la souffrance de l'ego, c'est une évolution qui cherche à avoir de l'information. En ramasser au maximum au cas où ça pourrait servir. Ben, allez faire un tour en campagne, vous allez rencontrer du monde qui a ramassé plein de stocks au cas. Ils ont leur vieil auto, l'auto du grand-père et de la grand-mère en arrière. Des différentiels qui servent à rien, trois piscines toutes percées. C'est facile de reconnaître. Ça sert à quoi? C'est jamais. Hey, ça vaut de l'argent, ça! Ils n'ont pas de skidou, mais ils ont des chaînes de skidou, par exemple. Ils n'ont pas de moto, mais ils ont des pneus et motos. Ça vaut de l'argent, ça! C'est leur vie. Ils transmutent l'énergie de leur vie en matériel pour rien. À quoi ça sert de savoir si je t'ai connu? À rien. La journée que je le sais, c'est que ça sert. L'intelligence instantanée vous amène ce que vous avez besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que vous le sachiez. Et donc, l'intelligence aberrée, l'intellectuance de l'ego, vous amène de l'information au corps. Ça sécurise l'ego. Comment savoir si je t'ai connu? À quoi ça me savoir? À quoi ça me permet? À quoi ça me servir de savoir que je t'ai connu? Si ça a à servir, d'accord. Si ça me permet d'expliquer à mon ego pourquoi je vis immédiatement avec un individu, pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà connu, pourquoi on est amical alors que ça fait 30 secondes qu'on se parle, c'est évident qu'on s'est connu. Si mon ego, il se dit, comment ça se fait qu'il y en a avec qui c'est comme ça, puis il y en a d'autres, ça va pas. Mais il y en a d'autres, que je n'ai jamais connu. L'ego refuse le neuf. C'est du neuf, c'est compliqué. Avec d'autres, ben, facile. Mais il y a des grégores aussi. Ah, on est de la même famille. Ah ben, tabarnouche, c'est correct. Pauvre ego. Puis-je apprendre des choses intéressantes à Blue Bonnet, autres que de perdre de l'argent? Est-il faisable de faire un atelier intéressant en groupe? C'est une autre question. Pas Blue Bonnet, vous pouvez apprendre, oui, observez votre ego lorsqu'il perd. Comment pensez-vous que vous pouvez perdre de l'argent? Personne ne peut perdre de l'argent, l'argent ne vous appartient même pas. L'ego s'approprie des choses. Une chance que l'argent n'appartient pas à personne, parce que vous ne pourriez même pas en avoir. C'est parce que circule que c'est utile, de l'argent. Faire un atelier intéressant, toute la vie est intéressante tant qu'on a d'ego. Quand on commence à ne plus avoir d'ego, la vie devient moins intéressante, plus de stimulation. Alors on doit avoir des raisons intelligentes de fonctionner. Blue Bonnet, c'est n'importe où. C'est extraordinaire. Allez-y. Déterminez le cheval sur lequel vous voulez miser. Puis misez pas. Vous allez voir, il va rentrer. Puis là, ben, vous pouvez observer comment votre ego travaille. Ah, je me sens encore fait charrier. Ah, c'est ci, ah, c'est ça. Ah, on a parlé en masse du médiocre la semaine dernière. L'individu ne doit même pas chercher un monastère pour évoluer. L'individu ne doit même pas chercher un atelier pour évoluer. Un endroit où on peut avoir de l'information énergétique à coup de grosse dose, ça peut être utilisable. Mais prévoir quelque chose pour évoluer, ça ne fonctionne pas. Alors à Blue Bonnet ou n'importe où, vous déprenez l'ascenseur tout à l'heure, puis regardez comment vous êtes libre. Vous êtes énergisé. On fait une conférence, c'est intéressant. On apprend qu'on n'est pas uniquement une structure atomique. On est même capable d'avoir d'être manipulé par des dialogues intérieurs. C'est toujours mauditement mieux que de la tombe. On est capable de s'en rendre compte qu'on est manipulé. Ben maudit! C'est génial! Puis quand vous allez prendre l'ascenseur tout à l'heure, mais il va y avoir 3 ou 4 whoops qui vont rentrer dans l'ascenseur, vont être un peu collés, puis les égaux travaillent. C'est ça l'humain. Ça prend rien pour qu'immédiatement l'animal soit revenu. Puis là, vous êtes petit, puis il y a un grand Jack anglais qui rentre, là, ce qu'il fait ici premièrement, puis il vous pile un peu sur l'orteil, tout écrasé dans le fond. Il est où le maître? Il est où l'évolueux là-dedans, là? Oh, il prend l'escalier la prochaine fois. Mais, change quoi? Il arrive dehors, il pleut, il cherche son automobile. Mais tout ce temps-là, vous êtes où pendant ce temps-là? L'évolution, elle passe où? Uniquement assis ici pendant que le grand cave, il parle. C'est ça que l'humain doit se mettre dans la tête quelque part, ou dans l'ego. Quand vous rentrez chez vous, à quoi vous pensez? Quand vous cherchez vos clés ou quand... dans le trou de la serrure? Il est où le maître évoluant? Il est où le supramentalisé? Quand vous faites un sandwich au jambon, est-ce que c'est un maître qui fait le sandwich? Quand je parle de maître, je parle de maître chez vous. S'il met du fromage avec le jambon, oui. Ça veut dire que tous les employés chez McDonald's, ils sont des maîtres? Oui. Mais de ceux qui font les cheeseburgers? C'est ça la question que lui met. L'évolution, elle est microscopique dans la majorité des véhicules d'animaux humains. Êtes-vous capable de vous raser en évoluant? Êtes-vous capable de vous déguiser le visage? Le mot, mais je l'oublie toujours. Maquiller. Maquiller en évoluant. Êtes-vous capable, mesdames, de vous promener en souliers à talons hauts pour qu'on voit plus vos fesses et vos seins tout en étant évoluante? Puis les bonhommes, êtes-vous capable d'être en érection devant quelque chose tout en continuant à être chez vous le maître? L'animal humain sécrète, il est biologiquement manipulé. Êtes-vous là, vous? Il y a même un imbécile qui peut dire, oui, mais tu sais, si t'es le maître de tout, puis t'essaies de faire l'amour, ça marche pas. Eh oui, votre ego va trouver ça con. L'ego veut se nourrir, l'ego veut que ça sécrète de l'hormone. Mais ça vous tue. Si vous êtes le maître, vous n'avez même pas besoin d'avoir ce genre de relation idiote-là. Pour faire un enfant, c'est intéressant. Pour le reste, c'est pas peine. Combien d'heures de sommeil sont perdues dans le zigonnage? Aucune idée. Ça fait longtemps que je ne dors plus. Le voyage astral est utilisable sous quelles conditions dans ce domaine? Voyage astral, vous en faites régulièrement, évidemment, c'est le sommeil, c'est le rêve, c'est l'imagination, c'est les dialogues intérieurs, c'est la pensée. L'être humain qui sort consciemment dans l'astral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la faculté, ça se développe, ça peut même être utilisé, mais l'astral, c'est le monde de la mort. Vous pouvez expérimenter dans l'astral comme vous expérimentez dans la vie, parce que dans la vie, vous êtes totalement en voyage astral, sauf que votre corps physique chemine en même temps dans un corps, dans un monde de matière. L'information sensorielle du corps physique passe par les voies thalamiennes, passe par le thalamus. C'est une partie du cerveau. Dans le thalamus, c'est coloré par le système, par la structure astrale. C'est là qu'une grande partie de la conscience astrale dans la lecture des sens corporels s'exprime. Dans le monde de la mort, dans le rêve, c'est la même chose. Toute information astrale dans le rêve passe par, directement par les voies thalamiennes et se les s'en va, non pas au cerveau, mais dans l'âme. Par la suite, cela peut être exprimé en un système endocrinien. Le corps physique va sécréter, vous allez bouger, votre cœur va accélérer, vous allez transpirer, vous allez marmonner, parler un peu, vous rêvez. Le voyage astral conscient, c'est lorsque toute l'information du monde de la mort passe en premier par votre structure mentale avant d'atteindre le thalamus. Cela veut dire que le mental, même s'il ne voyage pas dans l'astral, est totalement au courant de ce qui se passe et il pourra tirer certaines cordes, et il pourra décider du rêve, décider de la vibration du rêve, décider si le rêve est un rêve très, très, très coloré de la réalité, ou si le rêve est un rêve réel dans l'événement. Il pourra décider si le rêve réel est proche de l'immédiat. Donc, il pourra, par exemple, traverser un mur et aller voir ce qui se passe chez le voisin. Mais le voyage astral est extrêmement dangereux si l'humain ne comprend pas mentalement son utilité. Si l'humain ne comprend pas son utilité, l'humain ira dans l'astral, et à un moment donné, l'humain ira dans les hautes sphères de l'astral. Et dans les hautes sphères de l'astral, il y a de moins en moins de limitations, d'expériences limitatives du corps. Donc, dans ces hautes sphères de l'astral, l'humain a l'impression de découvrir de la liberté. Cette liberté expérimentée dans le voyage astral donnera l'illusion à l'ego qu'il y a dans ce monde de la liberté. Donnant de l'illusion de l'ego qu'il y a dans le monde astral de la liberté, l'ego voudra de plus en plus y aller. Et dans ce monde, dans les hautes sphères spirituelles du monde de la mort, là où l'illusion de la liberté prédomine, parce qu'il n'y a pas de mémoire de l'esclavagisme matériel, l'ego aura l'impression de découvrir des maîtres, des divinités, des dieux, des guides, le salut. Et il se laissera manipuler par cette illusion. Et lentement, l'ego voudra bannir le mental naissant, qui n'est pas encore puissant parce qu'il est en train de naître, et voudra le bannir au privilège pour pouvoir privilégier ce voyage astral dans les hautes sphères lumineuses. Et ce voyage astral, à un moment donné, il va établir un contact entre sa conscience et ce monde, un contact qui se poursuivra même lorsque le corps physique est réveillé. Alors, il aura rencontré son maître, son guide, son gourou, son dieu, son chemin, sa voie, et il se missionnera, il s'organisera de cette voie. Et c'est l'inverse de la négoïsation, l'inverse de l'immortalisation de la conscience. Le voyage astral est utilisable lorsque l'individu mentalement voyage, lorsque l'individu est conscient de ce qui se passe, lorsque l'individu ne se sert du voyage astral que pour reprogrammer son ego, que pour instruire l'ego de l'illusion de l'ego, que pour instruire l'ego de l'illusion de l'astral, que pour instruire l'ego de l'illusion de la richesse. Alors, à un moment donné, dans l'astral, il va visiter une famille riche, soit dans les mémoires akashiques, donc une famille du passé, soit dans les mémoires akashiques de l'actualité, une famille de l'actuel. Parce que dans l'astral, on ne peut pas voir quelque chose de réel. On ne voit que la mémoire immédiate de la chose réelle. Ce qui, chronomiquement parlant, est plus ou moins réel. Mais ça reste une illusion. Alors, il va voir les riches. Il voit les personnes qui font de l'argent. Et par la suite, il les suit dans l'astral. Il les suit dans leur sommeil, il les suit dans leurs pensées, dans leur dialogue intérieur, il les suit dans leurs chicanes, il les suit dans leurs problèmes, dans leurs maladies, et il s'instruit. Et le mental instruit l'ego. Parce que si le mental n'est pas là, qu'est-ce que vous allez faire dans mon voyage astral? Vous allez aller dans les gazons des voisins, vous allez aller voir l'herbe qui est plus belle, et allez revenir avec ça en vous disant que votre vie est médiocre. Et vous allez vouloir faire comme un tel, comme une telle, alors que vous n'aurez pas marché dans leurs pantoufles, uniquement dans leur solier de travail. Alors, on peut se servir du voyage astral, mais si le mental est capable, et pour que le mental soit capable, il faut que des fois réveillé, vous soyez capable. Vous envisagez, vous êtes jaloux de quelqu'un, vous n'êtes pas prêt à faire des voyages astraux. Utile, parce qu'utilisable. Vous avez peur de la vie, vous avez peur de perdre un emploi, vous chialez quand on vous a volé votre automobile. Avant de faire des voyages astrales, il faut au minimum commencer par contrôler ce qui est facile là où vous êtes réveillé. La conférence de la semaine prochaine porte là-dessus, voyage astral. Ah oui? Comment transformer l'énergie lors du dialogue avec l'ajusteur de pensée en processus d'énergification active constante? Avec l'ajusteur de pensée, lorsqu'on a un dialogue, on doit avoir un dialogue de mental à mental. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je vais... Comprenez bien ceci. L'ajusteur de pensée est un concept. L'ajusteur de pensée est un puissant concept du 20e siècle qui permet à celui qui se débarrasse des concepts archaïques, les concepts de Dieu, les concepts des anges, les concepts des saints, les concepts des gourous, les concepts des maîtres, les concepts des prêtres, les concepts des guides de lumière. Celui qui sublime ces concepts, doit aller chercher de l'énergie, et pour que l'énergie soit prédigérée de façon à ce que sa conscience astralisée et terrestrifiée puisse l'absorber, il doit quand même mettre une forme. Cette forme s'appelle l'ajusteur de pensée. Mais l'ajusteur de pensée, qui est la mécanique permettant d'ajuster le contact supramental de la mémoire galactique à l'ego de la mémoire planétaire. Eh bien, c'est vous. C'est l'homme. Moi, j'ai dit souvent à conférence que mon ajusteur de pensée, je n'avais plus, je l'avais digéré. C'est-à-dire que j'ai fini par digérer l'illusion de l'ajusteur de pensée qui me fait faire que je ne parle plus à l'ajusteur de pensée, je sais que je suis l'ajusteur de pensée. Je ne suis pas de l'ego, je ne suis pas un humain, je ne suis pas un extra-humain, je ne suis pas un extraterrestre, je suis quoi? Ben, je m'en fous. Je suis moi. Avoir un dialogue avec l'ajusteur de pensée, c'est en réalité vous autoriser à vous répondre. Vous autoriser à vous programmer. Ça veut dire que vous devenez le maître contrôleur chez vous. Mais pour que l'ego vous autorise à, on accepte le concept ajusteur de pensée, on y parle. Comment transformer l'énergie du dialogue avec l'ajusteur de pensée en processus d'énergification? On ne doit pas se prendre au sérieux dans la mécanique. Lorsque, tout à l'heure, je démontrais que je parlais à mon ajusteur de pensée, c'est pas dans le genre « Ah oui, mais là, maudit, moi, je comprends rien! » Que l'ajusteur essaie de répondre. L'ajusteur va répondre « Ah oui, mais si tu comprends rien, c'est parce que c'est niaiseux! » Et l'individu qui fait « Ah oui, mais je comprends rien! » « Ah, mais si tu veux comprendre, tu dois prendre de l'énergie. »« Ah, je prends de l'énergie! » L'énergie, tu la prends à un acteur, cela. Parce que, et oui, mais quand mon ajusteur me répond, c'est toi, ça, c'est toi. C'est justement toi. Mais c'est toi dans une farce, l'ajusteur de pensée, où l'ego finit par t'autoriser à être capable. Vous avez suffisamment d'énergie vers le neuf, mais vous ne vous fiez qu'à l'énergie vers le passé. À de l'énergie digérée, de l'énergie inutilisable. Comment transformer l'énergie, le contact avec l'ajusteur en énergification? Sourire. Vous amuser dans la vie. Vous amuser dans le dialogue. Tout à l'heure, je posais une question, on était ensemble ici, au septième ciel, et on posait une question. Et il n'y a pas de réponse. Mais la réponse, c'est que c'est pas le temps. Ça va venir. Mais l'individu qui se prend en sérieux, il dit « Oh, mais là, t'es là, juste à le penser, c'est pour ça que je veux savoir, moi, là. » Vous voulez savoir quoi? Je veux savoir ce que je dois faire. Ce que tu fais. Et là, l'ego se frustre. On ne cumule pas d'énergie. Appliquez. Vous voulez faire un dialogue avec votre ajusteur de pensée? Faites attention. Pour ne pas que ce dialogue devienne un dialogue comme on fait ici. Où vous ne faites que ramasser de l'information par l'ajusteur de pensée sans jamais l'utiliser. À un moment donné, on veut énergifier, c'est intéressant. Vous savez que vous pouvez créer une énergification uniquement en venant m'écouter. Pas parce que c'est moi. Simplement parce que vous vous écoutez. Quand quelqu'un me dit « la conférence était bonne, tout ce que je m'en ajuste ou tout ce que moi je lui réponds, c'est parce que vous avez de bonnes oreilles. » Parce que les médiocres, les imbéciles, d'humains, les imbéciles d'ego, pas votre mental, mais l'ego, « votre conférence était pas mal bonne. » Comment une conférence peut être bonne si le public est pourri? Dites-moi. Oh, l'individu est toujours en train de mettre ça sur autrui. Si le sermon du curé est bon, maudit, c'est parce que t'as compris. Hey, fiez-vous à vos égaux. Je comprends rien du sermon, moi, dire. Il est malade, le gars. Et voyons donc, mon égo. Parfait, mon égo. Si je comprends tout, à crème, il dit en plein ce que je pense. Il est pas mal bon. C'est de l'égo. Qui est comme moi, donc il est bon. Le dialogue avec l'ajusteur, on ne doit pas passer ses soirées à dialoguer comme ça. juste pour avoir l'idée qu'on dialogue et qu'elle ajuste la pensée, puis se laisser ramasser par l'illusion. C'est vous. Alors, appliquez tout ce que je dis. Vous savez, le seul avantage que j'ai sur vous, c'est le centre laryngé. J'ai la capacité de transformer ce que nous savons en mots. Et ces mots ont la capacité d'informer vos égos de ce que vous savez sans les mots. C'est pourquoi vous comprenez ce que je dis. Ils ne comprennent pas tout, mais progressivement, ils arrivent à comprendre. Mais c'est tout. Je ne suis qu'une grande gueule. Mais vous êtes des maudits médiocres. Dans le terme spirituel, on dit maudit en termes positifs et on dit des maudits médiums. Des bons médiums, reliés au monde de la mort. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie. Je suis un ajusteur de pensée collectif. Je suis une antenne collective. Ce qui fait que j'ai la capacité de faire la même chose que votre ajusteur de pensée. Et c'est pourquoi en séminaire, je parle souvent à l'individu par son ajusteur de pensée. Et l'individu dit, ouais, mais comment il fait pas le parbonochet de pensée? Tout ce que vous ne compreniez pas, vous le comprenez maintenant. Donc, j'ai parlé par votre ajusteur de pensée. Il a dû gérer, il a ajusté pour que vous compreniez des choses. Des choses qui sont prêtes à rentrer chez vous. Que dans votre intelligence, vous avez déjà. Énergifié, ça veut dire de rajeunir. Ça veut dire de cesser de se prendre au sérieux. Ça veut dire cesser de crier, cesser de gueuler, cesser d'être humain. C'est ça. Je sais. La plus vile expression des mécaniques d'intelligence, c'est l'animal humain sur la planète Terre. L'animal n'a pas de conscience. Donc, ce n'est pas une expression de l'intelligence. Alors, on cesse de s'ennuyer, on cesse d'espérer. Et là, l'humain, il dit, on devient un robot. Oh, bon, c'est ce que l'ego dit. On devient un dieu. On devient une déesse. Encore là, c'est visé bas. On devient ce qu'on est. Et ça crée de l'énergification. Le seul danger, c'est finir par s'amuser de dialogue avec l'ajusteur de pensée. C'est comme celui qui, à un moment donné, me pose des questions. Je lui réponds. Bien souvent, je ne fais que confirmer ce qu'il sait déjà. Et deux semaines après, il revient. Puis je reconfirme encore la même chose. Puis, de mois en mois, on confirme les mêmes bebelles. Quand je donne l'exemple, les femmes qui me disent, oui, mais là, moi, j'ai vraiment plus le goût d'avoir de relations sexuelles. Enfin, je dis, ben, tant mieux. Ah, je le sais que c'est correct. Mais c'est souffrant, maudit. Je n'ai plus rien à dire. Elle est mieux. Et elle en souffre. Combien de personnes font de l'argent aujourd'hui, se sentent coupables d'être riches? La majorité. C'est ça l'animal humain. Du point de vue de l'intelligence, doit-on exercer son droit de vote? Moi, je dis que si un jour je vote, je voterai pour moi. Alors, je n'ai jamais voté. Ça peut venir. Quelle en est l'intelligence quand même ceux qui se conscientisent diffèrent largement d'opinion politique? Répète. Quelle est l'intelligence d'exercer son droit de vote quand même ceux qui se conscientisent diffèrent largement d'opinion politique? Exercer son droit de vote, c'est comme aller à l'église. Alors, je vais transformer un peu ce que le Nazaréen a déjà dit à quelqu'un qui demandait « Est-ce que je dois aller à l'église? » Le Nazaréen avait répondu « S'il y a quelqu'un avec qui tu t'es mal entendu, s'il y a un conflit avec un individu, va le voir puis explique-toi avec lui. Après ça, c'est encore du temps d'irer à l'église. Mais là, l'église, sans ça, on ne me même pas à peine. Pourquoi vous iriez voter? Ben oui, c'est important, on prend en main notre destinée sociale, là. Ouais? Commencez par prendre en main votre vie. S'il reste du temps, vous irez voter, hein? C'est quoi quel poids ça a de voter? Oui, mais le PQ, t'es plus écologique. Ton automobile, elle fonctionne-tu au gaz naturel? Non? Laisse faire l'écologie. C'est pas un critère pour toi. Oui, mais libéraux, eux autres, c'est plus en affaires, puis ils peuvent enrichir. Quand t'échappes Saint-Saëns, le ramasses-tu? Non, vote pas libéral non plus. Mais non, t'as pas l'attitude. Oui, mais si personne vote, ça va changer quoi? De toute façon, il y en a qui vont y aller voter, faites-vous-en pas. Juste pour pouvoir gagner nos élections, c'est l'important. Même en admettant qu'un petit pourcentage de population pourrait faire le choix idéal, en parenthèse, entre guillemets, ne serait-il pas écrasé par la masse? Non, parce que la masse, c'est quelque chose qui pèse 20 ou 30 livres, qui a la faculté d'enfoncer un clou d'un coup, ce que votre main ne peut pas faire, mais c'est votre main qui tient le manche, la masse. Comprenez bien? C'est exactement ce qui arrive. Si on mesure, on pèse le poids d'une main et le poids d'une masse, la masse, elle gagne. Si on mesure l'énergie cinétique d'un point qui rentre dans un clou, puis d'une masse qui rentre dans un clou, la masse, elle gagne. Mais la masse, elle n'a pas d'intelligence. Alors, on a... Si une minorité décide de diriger une société, tout ce qu'il a à faire, c'est de la propagande. Il n'a qu'à faire de la politique. Il peut la faire intelligemment. Et puis, veut pas, la masse, elle va suivre. La masse, elle n'attend que ça. Imaginez bien une chose, c'est qu'il y a de l'intelligence dans chacun des individus. Mais l'intelligence d'un groupe est inversement proportionnelle à la quantité d'individus. Alors, si on est un petit groupe qui veut faire quelque chose, on est plus intelligent que la masse. Mais si on est un groupe d'individus, ah ben là, il n'y a plus aucune masse sur la planète qui peut résister. Et comme il y a un peu d'intelligence dans chacun des individus, eh bien, si un nouveau système gouvernemental essaie d'aller chercher l'intelligence dans les individus, il n'y aura pas tout le monde. Mais après ça, une fois que tu allé chercher l'intelligence, il va se servir de ceux-là pour engendrer une mode. C'est tout. Qui, dans le peuple québécois, comprend l'intelligence d'une séparation politique? Comprend l'envergure d'une séparation politique? Comprend même pas c'est quoi le libre-échange, c'est loin d'être une séparation. Mais, nous sommes québécois, le Québec et nous autres. Ah oui. C'est tout. L'intelligence, on la donne à ceux qui vont s'en servir. Puis la masse, on va chercher le vote avec des légaux. C'est très simple. D'où vient la Rose-Croix? À Morque. Il faut l'avoir stylisé bien. D'où vient la Rose-Croix? Premièrement, la Rose-Croix, c'est l'ordre de la Rose-Croix, il y a différents ordres maintenant, parce que dans tout ce qui doit s'éteindre, il y a des schismes, il y a des séparations. Alors, il y avait l'ordre, il y avait les Rose-Croix Maxendel, il y a les Rose-Croix Raphaël, il y a la Rose-Croix à Marc, d'autres aussi, d'autres schémas rosicruciens européens, américains, etc. L'ordre de la Rose-Croix, c'est l'expression spirituelle, astrale de l'énergie, d'une âme écrasée par les épines d'une rose. L'ordre rosicrucien apparaît lorsque le peu d'ego qui reste dans un bonhomme qui s'appelle Lazare se rend compte que l'intelligence supramentale abandonne un ego relativement pur, l'ego d'un enfant qui s'appelait Jésus, sur une croix. Parce que lorsque l'intelligence christique, l'intelligence supramentale abandonne le corps du Nazaréen sur la croix, l'enfant qui se réveille, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lazare, qui vit ce phénomène, va communiquer spirituellement son intelligence à travers la souffrance de l'intelligence supramentale dans un contexte psychologique humain, et il abordera l'idée d'une rose, une fleur extraordinaire qui a des épines, donc qui est dangereuse. La croix étant la symbolique même du contrôle de la matière, de l'alliance entre la matière et les phénomènes qui descendent, les phénomènes spirituels dans la première forme, c'est-à-dire qu'on a une barre et une autre barre, c'est l'alliance de la matière et de la lumière, l'alliance du passif et de l'actif. Alors il va appeler lentement, il va créer dans sa structure adaptée à l'humain l'idée d'une rose et d'une croix. Et en l'an 1300, il va posséder le corps d'un individu et il se fera appeler Christian Rosenkreuz, qui veut dire Chrétien Rose-Croix. Chrétien, Christ, intelligence supramentale, la rose, la communion, disons, l'émotivisation, la spiritualisation de l'intelligence dans un contexte humain, et la croix, ce que ça donne lorsque l'intelligence touche la matière de souffrance. Il va engendrer l'ordre rosicrucien, il va engendrer l'ordre franc-maçonnique sur sa correspondance, et c'est de là que va naître l'ordre rosicrucien. L'ordre rosicrucien à Mork se fie beaucoup sur ce qu'était Christian Rosenkreuz Lazare à l'époque où il s'appelait Hiram Abiff et où il a vécu d'autres époques à l'époque, dans le temps où il vivait en Égypte, il a vécu que c'est le monde, et eux vont bâtir la majorité des paliers d'évolution, d'initiation à l'intérieur de l'ordre de la Rose-Croix à partir d'une évolution égyptienne. Max Hendel, l'ordre Rose-Croix Max Hendel, va travailler beaucoup plus sur la chrétienté. Alors les initiations seront plutôt d'ordre chrétien, alors que Amorx sera beaucoup plus à caractère papucien, caractère égyptien. Est-ce que quelqu'un qui a un agglomérat spirituel est plus assujetti à ce genre de dialogue intérieur? Non. Il est plus assujetti à être frustré des dialogues, à s'écœurer des dialogues. Pouvez-vous nous donner d'autres trucs pour interrompre le dialogue intérieur? Tu as parlé tantôt de modérer le débit, de parler moins rapidement, je sais. La manière que la question est posée, je connais déjà ta réponse. Oui, je peux. Encore, que sont les trucs? Manger du beurre de peanut avant de se coucher. Avec ou sans peanut à l'intérieur? Croquant ou pas croquant? Ça dépend si tu as des bonnes dents ou pas. C'est-à-dire que si on alourdit notre système digestif, une partie du sang se dirige vers le système de digestion, ce qui nourrit moins le cerveau étant moins nourri, les dépolarisations rapides sont plus pénibles dans beaucoup de cas. Si l'individu est trop conscientisé, trop supramentalisé, le cerveau a muté et il y a une communication de la pensée qui se fait non plus uniquement par dépolarisation biochimique, mais qui commence à être électro-biochimique, sinon électronique tout court. Alors nécessairement, si on atténue le système cérébral, ça n'atténuera pas nécessairement la pensée. Mais dans bien des cas, le fait de manger un peu avant, ça va aider. D'autres personnes vont placer leur corps physique selon un angle parallèle à la polarité planétaire. Dans la majorité des cas, si on place la tête vers le nord, on aura un meilleur sommeil, un sommeil plus rapide. Il faut faire attention, il y a des individus qui ont une polarité totalement inverse, donc c'est les pieds au nord. D'autres ont une polarité qui est parallèle, qui est différente, donc ils devront trouver une position qui, à un moment donné, les amènera à un sommeil plus facile. D'autres façons, évidemment, c'est d'être vivant, c'est-à-dire de bloquer totalement le processus de la pensée en ne pensant pas et en ne parlant pas. C'est un peu plus compliqué, c'est très bon. Une autre façon, c'est de contrôler l'image et la pensée dans notre tête pour l'orchestrer vers un objectif particulier qui sera, et je l'ai déjà expliqué en conférence, dans des façons de dormir, qui sera on ramasse ce qui se passe et on crée une histoire plaisante pour l'ego, et à un moment donné, on chemine dedans, ce qui fait qu'on se décolle en voyage astral dans ce rêve-là, alors nécessairement on dort. Et puis on peut en mettre. Quelle est la différence entre Québec K-E-B-A-K et Québec, de la façon dont il est écrit sur les boîtes à lettres? Si la Terre blanche est Québec, de quelle façon peut-elle l'être sans interférence de Québec? K-E-B-E-K, ça peut être comme par exemple, Kemp écoute beaucoup, beaucoup l'érudition de Kemp. Voilà, beaucoup écoute Kemp. Québec. Bon. Ésotériquement, K-E-B-E-K, c'est le Québec, c'est un mot. Dans l'Antiquité, les individus adoraient trouver des mots qui se disaient d'un bord ou de l'autre. C'était des mots magiques, comme des carrés mathématiques magiques qui en ont des totales similaires un peu partout. Alors, K-E-B-E-K, dans un sens comme dans l'autre, c'est Québec. Laval, c'est la même chose. Non aussi, d'ailleurs. Et dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait de la terre promise, de la terre blanche, de l'endroit où, avant chaque catastrophe planétaire, avant chaque fin de race mère, il y a eu la race transparente, il y a eu la race jaune, il y a eu la race noire, il y a la race blanche, évidemment ce ne sont pas des races cutanées, ce ne sont pas les Chinois, etc. Lorsqu'il y a une fin d'un cycle majeur, les individus les plus évolués migrent vers le bouclier canadien, qui est la première terre de surface. Ils migrent vers le mont Mérou, vers l'Éden, vers la terre blanche, et pendant des religions, chacun a leur nom. Dans l'ésotérisme européen, on avait un mot qui apparaissait et le mot était Québec. La prochaine Terre blanche portera le nom ésotérique de Québec. Et eux l'avaient baptisé K-E-B-E-K. Lorsqu'il y a eu invasion massive du territoire canadien et américain, nord-américain, par les Vikings, dont nous sommes en majorité descendants, de la cinquième sous-race, de la race mère blanche, la race teutonique. Il y a eu aussi l'invasion du système européen, que ce soit britannique, que ce soit espagnol, portugais, etc., français. Et ces personnages ont amené cet ésotérisme ici, et ils ont ésotériquement baptisé, d'ailleurs les Templiers sont venus ici, baptisé cette terre qui verrait l'avènement de la sixième race mère, la race violette, qui est une race neuronique à caractère supramental, ce qui est déjà en train de se faire ici, ils ont appelé ça Québec. À un moment donné, les ésotérismes ont trouvé dans un territoire particulier, où il s'était établi, en l'occurrence la Gaspésie, une vibration particulière, et ils ont baptisé l'endroit Québec. Certaines personnes vont dire que Québec est un mot qui veut dire passage qui rétrécit. C'est intéressant, ils ont découvert que dans le langage de certains Amérindiens d'époque, on avait le mot Québec. Ils ont baptisé la ville de Québec, Québec. Et par la suite, ils ont adapté la phonétique Québec, Q-E-B-E-C, qui était Q-E-B-E-K et qui a changé progressivement. Et on a appelé carrément la province qui avait accueilli la majorité des ésotérismes qui, à l'époque, parlaient français. On a appelé cette province Québec. On a mis la croix, qui est le contrôle, l'alliance entre la matière et l'intelligence, et on a mis le fleur de lys, qui est le symbole, en tout cas, on pourrait s'amuser à parler énormément du drapeau québécois, qui, à l'époque, n'était pas tout à fait celui qu'on a là, et puis, présentement, l'est devenu. Alors, progressivement, le Québec politique est devenu le conservateur ésotérique d'un éclatement de conscience à travers un Québec ésotérique. Exactement comme l'Église du Vatican est le conservateur spirituel, donc le conservateur ésotérique d'une intelligence qui est lazaréenne, qui ne fait pas partie de l'Église, mais qui est le conservateur, qui est l'expression ésotérique, ce que l'on voit dans la surface d'une mécanique qui prochainement changera les choses. Répéter une affirmation positive me permet d'entrer en contact avec vous.